FrenchPod.com. Eh bien, une autre belle journée ensoleillée et on s'attend à... C'est horrible, j'ai la peau sèche. Tu mets de la crème? Ça marche vraiment ça? Mais oui, essaye la mienne. Salut les garçons, de quoi vous parlez? De voiture. De foot.